Les plaines de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les plaines, partout, d'herbe en mai, d'orge en juillet pleine, de lieu en lieu, au loin, depuis le sable ardent et les marais sur la campine s'étendant, des plaines jusqu'aux mers du Nord, partout des plaines. Autour du plus petit village où le clocher, aigreté d'un coq d'or et reluisant d'ardoise, grandit sur des maisons hautes de quatre toises, auprès du bourg pêcheur et du bourg maraîcher, toujours si large et loin que se porte la vue, là-bas où des bœufs noirs beuglent dans les terreaux, où des charges de foin passent par tombereaux, et puis encore là-bas, où quelques voiles entrevues, toutes rouges sur fond diaphane et vermeil, fait deviner les flots, la chanson matinière, des marins qui s'en vont au large et la rivière, que sabrent les rayons lamés d'or du soleil. Partout, soit champ d'avoine où sont les marjolaines, coin de seigle, carré de lin, arpent de pré. Partout, bien au-delà des horizons pourprés, la verte immensité des plaines et des plaines. 1. Sous les premiers ciels bleus du printemps au soleil, dans la chaleur dorée à neuf, elle tressaille, lande grise encore et lourde au réveil. Et ne se doutant pas que les sèves travaillent, tellement le sol tarde à secouer l'hiver. Même quand les vergers dressent les houppes blanches de leurs pommiers, que la feuille, papillon vert, s'est attachée et bat de l'aile au long des branches. Quelques terreaux là-bas boudent compacts et nus. L'eau des fossés déborde et les terres sont sales. L'orée et le sentier boueux, les bois chenus, bien que Mars ait craché ses poumons en rafale. Pourtant, l'on voit déjà des groupes de fermiers, avec leurs lourds chevaux, lustrés de blancheur crue, dans les champs, divisés par cases de damiers, couper le sol massif au tranchant des charrues. Déjà l'on sème, un grand vieillard qui va rêvant, se moire autour des reins, jette à pleine poignée les graines d'or qu'abat un brusque coup de vent. Les sillons sont à point, les bêches alignées reluisent d'un feu blanc sous les coups du soleil. Et mai paraît, le mois des fleurs aromatiques, et servante et gars en rustique appareil, habits usés, bras nus, sabots au bout des pics, qui de l'aurore au soir fatigue les labours. Voici, les champs sont pleins, les fermes délaissées. On en remet la garde aux chiens veilleurs des cours. La glèbe, avec des mains calleuses, convulsées, avec fièvre, avec joie, avec acharnement. La glèbe, pied par pied, coin par coin, est conquise. Partout la lutte et la sueur, le groupement des efforts arrachant la récolte promise. Femmes sarclant le lin, hommes tassant l'engrais, chevaux traînant la herse à travers les cultures, pendant qu'autour, flattés de soleil tranquille et frais, les trèfles verts, les foins en fleurs, les emblavures, les taillis que l'on voit bondir sous le vent clair. Les jardins, les enclos, les vergers, les fleurettes roulent leur bonne odeur excitante dans l'air, où chantent, ailes au vent, un millier d'alouettes. 2. Sous les éclats cuivrés et flambants du soleil, languit la frondaison des chênes. Sur les routes, un sable jaune et fin, cuit dans un clair sommeil. Au ras des fossés verts, les mousses sèchent toutes. Une atmosphère ardente encercle la moisson. D'âcres vapeurs venant de marées noires, enfume tout l'espace enfermé dans le vaste horizon, où les orges au feu méridien s'allument. Alors, par au-dessus des champs, un large vent, un vent du sud, traînant, voluptueux, oppresse, avec le va-et-vient de son souffle énervant, la campagne vautrée en sa lourde paresse. Un tressaillement d'or court au ras des moissons, la terre sent l'assaut du rue monté en elle, son sol générateur vibré de longs frissons, et son ventre gonflé de chaleur éternelle. De partout sort le flot des germes fécondants, condensé en nuages, épaissi des poussières, et qui descend baigné d'amour les blés ardents, on dirait voir fumer de géantes brésières. Des débris d'incendie encore chauds, chaque arpent, chaque tige entr'ouverte est entourée et prise. Des vibrions en font l'assaut éperdument, et l'union se fait en des moiteurs de brise. 3. Le polder moite et qui suait sa force crue, sous les midis, par coins de glaise étincelant, s'étalait tel, en champs luisants de miroirs blancs, taillés à chocs brutaux de piques et de charrues. La Flandre, au coup de col de ses gros chevaux roux, babochant de l'écume aux branles de leur tête, et pieds gluants, traînait son vieux travail de bête, par à travers les blocs de ses lourds terreaux mous. De la graisse d'humus et de la boue fondue, coulait dans le vent d'or d'automne, et lentement, toute la plaine enflée sous ce débordement de vie éparse, aux quatre coins de l'étendue. C'était à l'angle clair d'un bois et d'un marais, des gars casseurs de terre avec de grandes bêches. On entendait souffler leur corps d'ahan revêche et d'un rythme visqueux tomber des tas d'engrais. Plus loin, les servantes tassaient les sacs par groupes, en mouchoirs rouges, en sabots noirs, en jupons bleus, et se baissaient-elles, leurs reins, pliés en deux, faisaient surgir du sol, monstrueuses, leurs croupes. Et derrière eux, l'escaut poussait son flux vermeil, par au-delà des prés et des digues masquantes, et les bateaux cinglés, toutes voiles claquantes, leurs proues et leurs sabords souffletés de soleil. 4. Voici les nuits longues, les jours blafards, novembre empli d'hiver, d'immenses plaines mornes, où tout est boue et pluie et se fond en brouillard, où nuit et jour, matin et soir, l'ouragan corne. Village et hameau gagnent au vent du nord, l'humidité flétrit les murs de plaques vertes, la neige tombe, épaisse et lourdement endort, les chaumes noirs groupant entre eux leurs dos inertes. Les chiens, au seuil des cours de ferme, sont muets, les chemins recouverts de flaques et de fange. On travaille les lins à nonchalant poignet, avec la roue à bras qui ronfle dans les granges. Le fleuve, à clapotis rudes, fouette son bord, dans les bouleaux, planté en rangées équivoques. Sur les digues, un nid d'oiseaux ballotte encore, un seul, et lentement la bise les filoque. Des bruits lointains et sourds sortent des horizons, comme des grondements venus du bout des mondes. Ils passent, triste vent des funèbres saisons, et sonnent le néant dans leurs notes profondes. La terre geint et crie à les subir. Les bois ont des plaintes d'enfants, des râles et des rages, à se sentir plis et domptés sous leur poids, dans un cassement sec et brutal de branchages. Ils s'acharnent au ras des champs planes et mous, cinglant les nudités scrofuleuses des terres, la végétation pourrie et leur remous, abat sur les chemins les ormes solitaires. Les sapins isolés sont coupés aux jarrets, ou fendus tout au long, en ligne verticale. Les chênes débranchés, il faut une forêt pour résister au choc hurleur de la rafale. Et dans la plaine vide, on ne rencontre plus que sur les chemins noirs de poussifs attelages, que des voleurs, le soir, le matin, des perclus, se traînant mendier de hameau en village. Que de maigres troupeaux rentrant par bataillons, sous les soufflets du vent, avec des voix bêlantes, que d'énormes corbeaux planants, aux ailes lentes, qu'ils agitent dans l'air ainsi que des haillons. Fin de Les Plaines.